T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indy sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Yeah, let's see. Une heure au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Planète Indie, comme chaque premier samedi du mois. Nous sommes le samedi 7 décembre, j'espère que Saint-Nicolas est bien passé pour vous. Pour moi, il m'a fait une belle petite surprise en arrivant au studio, puisque on a un petit souci avec les lecteurs CD, donc ça va être un peu... à l'ancienne aujourd'hui, je vous prie déjà de m'excuser s'il y a quelques petits, comment dire, bégayements, parce qu'il va falloir jongler un petit peu et être assez habile aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer un petit message à Jean-Paul, si tu nous écoutes, j'ai un petit problème avec les CD, j'essaie de t'appeler, mais ça ne répond pas. Si tu peux me rappeler, ce serait bien. Pas de soucis, on va quand même essayer d'assurer l'émission dans la mesure du possible. C'est l'épisode numéro 415 de Planète Indie. Comme chaque mois, eh bien, nous avons un album Powerplay. Un album qui nous emmènera du côté de Boston aujourd'hui. On écoutera d'autres nouveautés comme Parade Ground, Principe Valiente, Ascension Theory, entre autres. Et je vous propose de commencer du coup cette émission avec le groupe Camouflage, avec la réédition d'un album qui est sorti pour leur 30e anniversaire. Et le morceau s'appelle Anyone.

Voilà, voilà, on a commencé cette émission avec le groupe Camouflage, un morceau intitulé Anyone. Je vous disais, et je m'en excuse pour le petit cafouillage en ce début d'émission, puisque apparemment ce que je vous racontais n'est pas passé sur antenne. Je vous disais donc que ce morceau est extrait d'une réédition d'un album intitulé Methods of Silence, réédition qui est ressortie pour le 30e anniversaire de la sortie de cet album. Et puis à l'instant, notre ami ACG, avec un morceau intitulé Steel City Limits. Vous êtes sur Planète Indie, nous sommes ensemble comme chaque premier samedi du mois, entre 17h et 18h30. Petit cafouillage, c'est la preuve qu'on est en direct, donc il faut savoir retomber sur ses pattes. On est en direct donc, et qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est l'épisode numéro 415, c'est la dernière émission pour cette année 2019. J'espère qu'elle a été bonne pour vous, j'espère que Saint-Nicolas est bien passé dans vos petits souliers. Si ce n'est pas le cas, vous avez encore le rattrapage avec le Père Noël d'ici 15 jours, 3 semaines. Et puis, nous, on sera encore là, bien évidemment, en 2020 pour vous proposer le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Notre powerplay nous emmènera en Nouvelle-Angleterre, du côté de Boston. Ça, je vous en reparle dans quelques minutes. Et puis, on aura aussi pas mal de nouveautés. Pour l'heure, on écoute le White All Red, et un morceau intitulé Union Fight Song. Après, ce sera Alfred Gomez Jr., et un morceau dédicacé à Irene. Don't gotta worry about the dishes if you ain't got none to do. Somewhere someone's scraping the food and cleaning up after you. Don't gotta worry about the taxes if you ain't got none to pay. Your corporation got special exemptions while our jobs just up and went away. The Fed and the banks, the judges, the politicians are all colluding on your side. But the farmers and the workers and the soldiers and the housewives are gonna rise like a tide. Hey, Mr. Governor, what the hell did you think? That the working people of this great country are all just lazy, ignorant, and pink. We're gonna show you what a red, white, and blue union can do. You've gone too far, we're taking our country back. Tomorrow you'll be singing a different tune. Yeah, we're gonna shrug our big working shoulders and be done with you. Thought you could save a bundle dumping that poison in our town, polluting the air that we breathe and stealing the water from the ground. You think you're immune 'cause you live far away up on a hill. But the 20-foot gate that surrounds your state was made by John Henry and good old Joe Hill. Hey, Mr. Governor, what the hell did you think? That the working people of this great country are all just lazy, ignorant, and pink. We're gonna show you what a red, white, and blue union can do. You've gone too far, we're taking our country back. Tomorrow you'll be singing a different tune. Yeah, we're gonna shrug our big working shoulders and be done with you. usa su café con el dedo y cura las heridas solo de un beso. Conoce bien el lenguaje del silencio. Lleva en sus labios el secreto de mis sueños. Irene sube la marea. Ya no estamos tocando fondo. Si nos hundimos, recuerda respirar hondo. Sabes bien que este adiós no es hasta luego. Toma mi mano, aunque sea de consuelo. Y nadie sabe cuándo va, nadie sabe cuándo viene. Así es, Irene, la vida tiene sus vaivenes. Nadie sabe cuándo va, nadie sabe cuándo viene. A veces quiere y a veces hiere. Nuestra ausencia distorsiona la verdad. El tiempo pasa y nos enseña a sujetar. Aquello que se ama no lo dejes ir jamás. Nadie sabe cuándo viene, así es Irene, la vida tiene sus vaivenes. Nadie sabe cuándo va, nadie sabe cuándo viene. A veces quiere y a veces hiere. Nadie sabe cuándo va, nadie sabe cuándo viene. Así es Irene, la vida tiene sus vaivenes. A veces puedes y a veces quieres. Voilà, comme vous avez pu le comprendre, c'est de la musique chaude et caliente, Alfred Gomez Jr. avec Irene. Je ne peux pas vous dire d'où il est originaire parce que je ne le sais pas. Voilà, 17h19, vous êtes bien sur RGL, c'est Pierre avec vous pour Planète Indie. Nous sommes ensemble donc chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 en direct. Cette émission sera rediffusée demain aux mêmes heures, 17h-18h30 sur cette même fréquence. Et puis vous retrouverez aussi le podcast de notre émission sur notre site internet www.ilovemusic.ga dès ce soir. Il est l'heure donc pour nous de passer à la découverte de notre album Powerplay, le dernier pour cette année 2019. Et comme je vous le disais, il nous emmène en Nouvelle-Angleterre avec un artiste qui s'appelle Robert Buczynski, qui est un compositeur et claviériste doué, voire même très très doué. C'est peut-être à l'heure actuelle ce qui se fait le mieux dans la région de Boston, puisque c'est dans ce coin-là qu'il réside et qu'il est actif, on va dire, comme cela. Sa carrière, eh bien, elle a commencé initialement sous l'étiquette Rigel, c'était le nom de son groupe, et il a commencé tout cela en 2017. Il s'est lancé dans la vague électro-rock, voire même progressive wave, comme il dit aussi sur sa biographie. Il combine des influences rock et électronique, comme vous avez déjà pu le voir, puisque c'est pas la première fois qu'on l'écoute dans cette émission. Mais aujourd'hui, on met en avant son tout nouvel album qui vient de sortir. Alors, Robert Buczynski, il chante, il compose, il joue du clavier, comme on a dit, Et ce nouvel album eh bien, reprend le flambeau là où il l'avait laissé avec son album précédent, celui qui était sorti en 2015 et qui s'appelait Life in a Cold Frame. Sauf que cette fois-ci, eh bien, on a une collection un peu plus variée de chansons avec une atmosphère eh bien, quelque peu mystérieuse et avec un peu d'imagination. On pourrait même la considérer comme menaçante. Vous vous imaginez dans un film avec... un lampadaire, un univers avec du brouillard un peu humide comme ça. C'est un peu cette atmosphère qu'on retrouve sur cet album. Je vous propose d'en écouter un premier extrait. L'album il s'appelle The Breakdown Landing. Et le premier morceau qu'on écoute s'intitule Purgatory. J'essaierai aussi de vous mettre sur notre groupe Facebook. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre sur Facebook. Une vidéo, il faut que j'en trouve une. C'est simplement ça la question. Voilà, tout de suite, place à la musique et ce morceau Purgatory. Power Play. Power Play. Hi, this is Robert Buschinski. You're listening to my new album, The Breakdown Lane, right here on Planet Indie. You're here in the darkest of environs. You're here where every day is dread. You're here, so deafened by the silence. You're here amongst the living dead. The selflessness you find you wearing, draped in violet, leaves you fearing. Purgatory. It's like your good deeds go unnoticed. It's like your efforts are in vain. It's like your sins are the main focus. It's like there's pleasure from your pain. Silver, golden, cash me nothing. Your exit is so very puzzling. Purgatory. Hey, this is Larry from Primus Lab, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Davis from Savage Peace, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Din Machine, and you're listening to Planet Indie. Ever since she was a little girl, a folk song called her name. Once it made a home inside her, she would never be the same. Her daddy bought her that first guitar, shiny pink with plastic strings. There was nothing like the way he smiled every time he heard her sing. She drank that love like water. Heaven called her daddy back. Something clicked inside of mama. The train went off the tracks. Bills stacked up on the table. Another year, another school. Turned 18 and hit the road to find the love that she once knew. Tears and mascara, she bears a naked soul. The gleam in someone's eye is what she wants for rock and roll. Dallas, Texas, in the rear view, two states still to go. $40 in gasoline, $80 show. Driving in a caffeine haze, she reaches for her phone to record the words she found that verse she was looking for. She presses hard for Wichita, fired up for tonight. They love her at the elbow room, owners treat her right. Flash of smiling faces as she walks on to the stage. Last time she brought the house down, had them singing each refrain. Tears and mascara, she bears a naked soul. The gleam in someone's eye is what she wants for rock and roll. Thinks about that singer, the kindness in his gaze. That time they drove the Blue Ridge in an orange autumn blaze. 5-hour conversation with other guys you never know. You run out of things to talk about, like you run out of clean clothes. She'll see him maybe twice this year. It gets hard to believe she's gotten good at burning bridges when it's time to leave. But like a siren, something calls her. The next stop, the endless tour. It isn't for the money. What does she do it for? Tears and mascara, she bears a naked soul. Someone's eye is what she wants for rock and roll. Ever since she was a little girl, a folk song called her name. Voilà, à l'instant on écoutait Jordy Bison avec un morceau intitulé Tears and Mascara. C'est extrait d'un tout nouvel album qui vient de sortir, Free and Fine. On va poursuivre avec Ascension Theory. Alors là, c'est pas tout nouveau. J'étais revoir un peu dans ma collection, dans mes archives. C'est un vieil album que j'ai retrouvé. Il date, je ne vois même pas la date dessus. Je vais essayer de retrouver ça, mais en tout cas, c'est pas tout récent. Avant cela, eh bien, je vous propose de passer en revue la programmation de la Culture Fabrique. Alors ce soir, si vous voulez aller vous damner l'âme, eh bien, vous pouvez aller au Anger Fest volume 4. Vendredi prochain, vendredi 13, il y a Nicool plus T-I-N-A. Ça se passe à 21h. Pour un vendredi 13, c'est pas mal. Jeudi 19, la semaine d'après, ce sera de Kinoche Listening Session. Si je comprends le principe, eh bien, c'est du cinéma avec de la musique. Ça, il faudrait que je me renseigne un peu plus. Il faudrait que j'aille faire un petit tour par là un de ces jours. Et aussi le même jour, jeudi 19, à 21h30, cette fois-ci, ce sera Two Years of Vinyl Harvest. Deux années de collection de vinyle, ou de récolte de vinyle plutôt. Quoi d'autre? Le vendredi 20 décembre, ce sera le Ratlach Open Stage, comme c'est le cas une fois par mois. Et puis après, on arrive tout de suite à la programmation de janvier. Bah, je peux, pour les amateurs de métal, il y aura la bourse métal. Le dimanche 26 janvier, bah, moi, j'y serai pas parce que c'est mon anniversaire ce jour-là. Voilà. Voilà pour la programmation de la Culture Fabrique. Je vous propose donc d'écouter ce souvenir de nos amis d'Ascension Theory avec un morceau intitulé Perfect Plan. Et après ça, on écoutera, alors là, ça c'est une nouveauté par contre, Principe Valiente, c'est extrait de leur tout dernier album When I Learn to Crawl, et ce sera la version au piano en direct, live piano version. Voilà, c'est une archive, mais ça a pas trop mal vieilli, pardon. C'était donc Ascension Theory avec ce morceau Tears and Mascara. Et on poursuit avec les cocos de Principe Valiente, When I Learn to Crawl. We'll be right back. fear of the strange attack, and the year when you broke my whole soul, and I learned to crawl. 39 was the year when I finally learned. 39 was the stage when I lost it all. It was the year of the strange attack, and the year when you broke my whole soul, and I learned to crawl. It was the year when you broke my soul, and I learned to crawl. It was the year of the strange attack, with no way back. Oui, un très beau morceau de Principe Valiente. On n'a pas l'habitude de les entendre dans des versions si tranquilles, on va dire. Donc, c'était bien de vous la proposer aussi, puisqu'en plus, elle est en version aussi donc piano sur leur album. Leur album qui s'intitule quant à lui Oceans. Et il est sorti chez Enos Records cette année. Donc, c'est une autre nouveauté, mais même si ce n'est pas la première fois qu'on les écoute. D'ici quelques minutes, eh bien, retour sur notre album Powerplay. Avant cela, je vous propose de passer en revue aussi la programmation de l'abbaye de Neumünster. Demain à 11h, trio jazz, comme tous les dimanches matins en fait. Hein. Enfin, c'est pas nécessairement un trio, mais c'est surtout un concert jazz. Et demain, c'est Claire Parsons avec Arthur Possing. C'est leur Claire A. Parsons and Arthur Possing Trio. Le 15 décembre, Aishinka avec sa carte blanche pour Claire Parsons, qui apparemment eh bien, se plaît à Luxembourg et revient. Et puis trêve de Noël, et pas crève du tout. La programmation se poursuit en janvier 2020 avec le 12 janvier le Jazz for Kids. Et le 16, 17 et 18 janvier, c'est le festival jazz Reset Day. Enfin, Reset, il y aura le Day 1, Day 2 et Day 3 respectivement. Donc, les 16, 17 et 18 janvier. J'ai un peu du mal aujourd'hui, on dirait. Hein. Je pense que la fin de l'année est proche. Il est temps de prendre des vacances. On poursuit donc en musique avec un autre morceau qui bouge pas mal. Il s'appelle Parade Ground. Le morceau s'intitule Divine Me. Et puis après donc, retour sur l'album de Robert Buczynski, album intitulé The Breakdown Lane. Oh, kid. Voilà, c'est le genre de musique que vous allez entendre probablement si vous sortez en boîte ce soir ou ailleurs qu'en boîte, si vous aimez danser sur ce genre de musique électronique. Et c'est vrai qu'on a pas mal de musique électronique ce soir avec pas mal d'artistes, notamment notre ami Robert Buczynski, donc dont on vous parle aujourd'hui et qui est mis à l'honneur ce soir dans Planet Indie avec son nouvel album The Breakdown Lane. Je vous ai donc dit que eh bien, cet album nous emmène du côté de Boston et les thèmes qui sont développés dans les morceaux, eh bien, ce sont souvent des histoires de personnes qui sont dans une spirale négative, dans des cercles vicieux et qui mettent toutes leurs énergies et qui font plein d'efforts pour essayer de renverser ou au moins pour réduire eh bien, les conséquences de leur chute. Puisque tout à l'heure, on écoutait un morceau qui s'appelle Purgatory, donc le purgatoire, on ne peut pas dire que ce soit l'endroit où on a envie d'aller passer ses vacances, ni l'éternité d'ailleurs. Et le morceau qu'on va écouter maintenant, c'est The Stockholm Syndrome, donc on ne peut pas dire que ce soit ce qu'il y a de plus joyeux non plus, puisque le syndrome de Stockholm, eh bien, c'est l'histoire de cette prise d'otage qui a été faite à l'époque, ça date des années 70 ou 80, je pense, quand eh bien, les otages se sont finalement liés d'amitié avec leurs ravisseurs et ont embrassé leur cause. C'est de là qu'est né eh bien, ce concept du syndrome de Stockholm. La production de l'album, eh bien, en tout, elle a pris 14 longs mois. L'écriture eh bien, a commencé fin 2017 et finalement l'album est sorti en avril 2019. Donc vous calculez, on n'est pas loin du compte. L'enregistrement eh bien, en lui-même n'a pris qu'un seul mois, mais bon, tout ce qui vient après, c'est ça qui prenait le plus de temps, pardon. Que vous dire d'autre encore avant de le réécouter? Les influences musicales eh bien, que Robert Buczynski cite, eh bien, notamment, vous ne serez pas étonné, des gens comme les Prodigy ou le groupe électro-rock basé à Détroit, Seldweiler. Quoi d'autre? Il aime aussi bien Nero, qui est un artiste anglais qui fait de la musique électronique aussi, et puis il n'est pas contre écouter ces bons vieux morceaux de Depeche Mode, notamment l'album Spirit ou alors le Gary Numan's Last Savage Song for a Broken World. Je suis un peu confus parce que j'ai pas pris mes lunettes aujourd'hui et et je ne sais pas bien lire, c'est écrit tout petit sur mes feuilles aujourd'hui, c'est un peu étonnant. Bon bref, ça c'est les contraintes techniques. Je vous ai mis une vidéo, enfin c'est plutôt un morceau musical, il n'y a pas de vidéo, c'est simplement la pochette de l'album qui est en boucle dans la vidéo YouTube de Robert Buczynski. Allez voir sur notre site, notre page Facebook, et vous pourrez retrouver aussi tous les autres morceaux de l'album. Via ce lien. Le morceau que je vous ai mis, c'est un qu'on n'écoutera pas aujourd'hui, donc ça vous permet d'en découvrir un quatrième. Voilà, je me tais, je vais me rafraîchir un petit peu. Et nous, pendant ce temps-là, on écoute The Stockholm Syndrome. C'est le powerplay de Robert Buczynski aujourd'hui dans Planet Indie. Powerplay. Powerplay. Hi, this is Robert Buczynski, and you're listening to Planet Indie, the leading European independent radio show. Well, you can protect your captors until the setting of the midnight sun. You can defend all the reasons, the reasons that you didn't run. There's a special place in your is the greatest love of all. Couples fall in love. was new and novel. Discomfort soon become complacency. It followed until we both were numb. Now the mystery had a feeling, and we let down our guard. The puzzle fell to pieces. Girl, we trampled every shard. Now we've got one chance to find out what we're both made of. And I guess that's the way it's always been when couples fall in love. Yeah, that's the way it's always been when couples fall in love. Il s'appelle David Serby, il est accompagné du Latest Scam. On écoutait When... je ne sais même plus lire ce que j'ai écrit. When Couples Fall in Love, voilà, pardon. On va retourner sur notre album Powerplay un peu plus tard. On doit encore aller... je dois encore vous présenter la BD de ce mois. C'est une très belle nouveauté, très bonne découverte. Elle est vraiment très bien, je ne vous en dis pas plus, c'est pour dans quelques minutes. Avant cela, je vous propose de passer en revue la programmation de la Rockale, si vous le voulez bien. Ce soir, il y a le Hip Hop for Kids. Enfin, il y a deux sessions, j'imagine. Il y en a peut-être une le matin, une l'après-midi. Je n'ai pas l'horaire devant moi, donc c'est peut-être déjà terminé. C'est probablement terminé puisque c'est pour les enfants, donc j'imagine qu'il y en avait peut-être deux en après-midi ou un matin, un après-midi. Ce soir, vous pouvez voir Arca, ou RK, je ne sais pas trop comment il faut prononcer. 12 décembre. C'est Patrick Bruel avec Ce soir on sort. Le 14 décembre, il y a deux sessions du Loop Station. C'est l'atelier pour les enfants à nouveau. Allez voir pour l'horaire parce qu'il y a une première et une deuxième session. 14 décembre, pour celles plutôt que j'allais dire celles et ceux, mais ça, moi j'imagine que ça, ce sera plutôt celles. C'est la venue des Chippendales, le Let's Misbehave Tour. Le 15. C'est la 19e foire internationale des disques. Le 17 décembre, alors là, vous avez la totale avec Ghost, All Them Witches et Tribulations. Ça, c'est à la boxe et au club. Vous avez un deuxième concert, à savoir le Denzel Curry. Bah oui, si vous avez faim, vous allez voir Denzel Curry. 18, c'est le show final, c'est le spectacle Vocal Performances. Oui, c'est ça. C'est les artistes qui ont été entraînés... depuis tout un temps, et l'entrée est gratuite, donc si vous ne savez que faire le 19 décembre, allez voir ces artistes prometteurs, artistes émergents à la Rockale. Le 21 décembre, il y aura aussi deux sessions du spectacle Scala. Il y aura une à 14h et la deuxième c'est à 20h, et attention, c'est organisé en collaboration avec le Théâtre d'Esch. Voilà, la suite, ce sera pour le mois de janvier. Je vous rappelle que notre prochaine émission en janvier, la première émission de 2020, ce sera le 4 janvier aux mêmes heures. Nous sommes ensemble chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. Cette émission est rediffusée le dimanche entre 17h et 18h30 pour la jouer facile. Et puis, vous pouvez retrouver aussi notre podcast sur notre site internet dès ce soir, www.ilovemusic.ga. Allez, on poursuit en musique avec Alp et Stuck in My Mind, et puis après ce sera Ben Lorenzen et le mix numéro 4 de son morceau All Knives Out. She's so reckless to my cause. How fool am I, still cannot let go. Trying to read every thought. Days been wasted for so long. Am I the only one staying up all night? Checking the phone at the first light. How could I let someone I don't know make me lose my mind? Tell me, don't you need someone when you cry alone? With a blanket in your cold bed, everything about us reminds me how I need you to breathe.

On adore ce morceau tout en douceur, Ben Lorenzen, All Knives Out. Je vous rappelle que c'est le mix numéro 4. 18h07, vous écoutez RGL et vous écoutez Planète Indie. Il est temps de passer à la découverte, non pas de notre album Powerplay à cette heure-ci, mais de la BD du mois. La BD du mois s'intitule hashtag Nouveau Contact, tout cela en un mot. C'est un album dont l'auteur est Bruno Duhamel et qui est sorti chez Grand Angle déjà en août de cette année. Alors le résumé est le suivant. Doug est photographe, largué dans sa vie, un tantinet bougon, angoissé, misanthrope. Il s'est réfugié dans un lieu perdu, quelque part dans les Highlands d'Écosse, suite à son divorce. Même s'il prend encore à l'occasion quelques photos, il ne les diffuse plus. Jusqu'au jour où, en sortant sur sa terrasse, il se retrouve nez à nez avec une créature géante surgie des profondeurs du Castle Loch, une sorte de Nessie bleue et translucide. Il parvient à immobiliser la rencontre et, sans réfléchir, publie son cliché sur le réseau Twitter. C'est alors que tout s'emballe. Des hordes de journalistes, militaires, touristes, scientifiques ou militants de tous bords convergent vers la paisible retraite de Doug. En plein cœur de cette cocotte minute prête à exploser à chaque instant, où les antagonismes se font de plus en plus virulents, se servant de l'animal comme d'un prétexte pour se défouler, Doug, qui vit désormais sous la protection de la police, va découvrir et expérimenter à ses dépens le cyberharcèlement, le piratage informatique, les menaces, la diffamation. Bref, une toute autre reconnaissance que celle qu'il a tant recherchée. À première vue, on se dit qu'on en a affaire à une nouvelle aventure du monstre du Loch Ness, mais finalement la créature n'est que le prétexte pour s'attaquer à une problématique beaucoup plus récente, pernicieuse et destructrice, les réseaux sociaux et les ravages qu'ils provoquent. La dramaturgie des événements pourrait paraître exagérée, catastrophique ou disproportionnée, mais malheureusement ce ne sont pas les exemples qui manquent. L'auteur s'est notamment inspiré de l'histoire de l'arbre brocoli à qui ce livre est dédié, et qui est devenu bien malgré lui le symbole de tous ces lieux dévastés par un tourisme de masse dopé au buzz. Le style, le dessin, les couleurs sont travaillés jusque dans les détails, que ce soit la galerie impressionnante, mais vraiment impressionnante, des manifestants, le lama de la première planche dont les yeux font immanquablement penser à ceux d'un alien, histoire de nous envoyer sur une mauvaise piste, ou encore les, entre ouvrez les guillemets, avertissements légaux, fermez les guillemets, vraiment hilarants, tellement second degré qu'on en vient aussi à les considérer au premier. L'humour est présent partout, dans le graphisme, le scénario, les idées, les personnages, les références, les textes et les dialogues, vraiment partout je vous dis. Pas besoin de long discours, j'ai adoré ce livre à tout point de vue, tant pour le fond que pour la forme. Il ne faut pas hésiter non plus à en fouiller les moindres recoins pour en dénicher toutes les perles, comme ces petits twists qui confinent à l'absurde mais sont in fine tellement vrais du pur bonheur. Finalement, on ne saurait mieux conclure qu'avec ces mots de Benoît Duhamel lui-même. S'il reste quelques endroits paisibles sur Terre ou des trésors cachés, et que vous tombez sur l'un d'eux par hasard, alors surtout ne le prenez pas en photo et ne le partagez jamais sur les réseaux sociaux. Un homme averti en vaut deux. Je vais vous mettre cette conclusion ainsi que la couverture de l'album sur notre groupe Facebook. Un album que je vous conseille, mais vraiment très très fort. Et puis là, je vais me taire et je vais laisser parler Clara Angel avec son Mayfly Day. Evening light fall on the climbing vibe. When it climbs too high, Gardner cuts it down. Blossoms fall and make no sound. Under cement. Voilà, c'était donc Clara Engel avec Mayfly Day. C'est exactement ça. La fatigue commence à s'installer. Hein. Retour, si vous le voulez bien, encore pour la troisième et dernière fois maintenant sur notre album Powerplay, celui de Robert Puchinski, qui est parti un peu en avance parce que voilà, il ne m'a pas laissé le temps de terminer la présentation de l'artiste et de son album. Il est accompagné par des amis à lui, notamment aux effets sons, par le groupe Giovanni Zorzi, qu'il a rencontré de façon un peu par hasard. Bah, évidemment, il y a souvent des hasards, mais rien finalement ne se fait par hasard. S'il était manager dans un café qui vendait aussi des glaces dans Quincy Center à Boston, un endroit où Robert Puchinski et un de ses amis avaient l'habitude de se retrouver. Et puis il est venu vers eux et il s'est présenté en disant « voilà, je suis le manager, patati patata ». Ils ont commencé à discuter et finalement ils en sont venus à parler de musique, et c'est là qu'il a expliqué eh bien, qu'il travaillait aussi, enfin qu'il avait aussi une passion pour la musique, les sons, les arrangements. Et finalement, après quelques visites à l'endroit, eh bien, ils ont émis l'idée à moitié en riant, à moitié sérieusement, finalement, de faire un concert ensemble. Et puis l'histoire s'est faite ainsi. Je vous ai dit tout à l'heure que Robert Puchinski avait commencé sa carrière sous l'étiquette avec son groupe qui s'appelait Rigel. Il a sorti plusieurs albums, notamment en 2010 un album intitulé Xenophobia, un autre en 2012 qui s'intitulait Sightseeing at Midnight, et puis sous son nom propre alors en 2015. On en a parlé tout à l'heure un petit peu, Life in a Cold Frame, et puis ce dernier qui vient de sortir en 2019. The Breakdown Lane. Je vous rappelle que j'ai mis une vidéo sur la page Facebook, enfin une vidéo, un extrait audio avec la couverture de l'album en vidéo. Et puis vous pouvez retrouver Robert Puchinski aussi bien dans notre propre groupe Facebook aussi. Donc si vous avez des questions, des commentaires à lui faire, bah, vous n'hésitez pas, vous nous rejoignez aussi sur Facebook et vous pourrez discuter directement avec lui. Et puis il est aussi présent bien entendu sur Facebook, SoundCloud et Tutti Quanti. Donc moi je vous propose de l'écouter pour la troisième et dernière fois aujourd'hui. Son album vous pouvez aussi le retrouver sur cdbaby.com évidemment. Et le morceau qu'on va écouter pour terminer sa présentation aujourd'hui s'intitule A Hair in the High. C'est Robert Puchinski. Et c'est notre powerplay ce soir dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Hi, this is Robert Puchinski. You're listening to my new album, The Breakdown Lane, right here on Planet Indie. It's such a touchy subject, an epidemic that has gripped us all. It multiplies when left unchecked, but we can't see it, no we can't see it. Every day another meltdown, just like the one before. Another town, a muscle fell out. What was the motive? What was the motive? Uh-oh, something's wrong. It's nothing that you could ignore. It's the one thing that's bringing us down. It's like a hair in the eye. A hair in the eye. A hair in the eye. A hair in the eye. A hair in the eye. A hair in the eye. Everywhere, like pollution, smoldering from coast to coast. There's gotta be a clear solution, but they can't find one, no they can't find one. New day, smoke still lingers, these things just don't happen here. The NRA points the finger, they turn a blind eye, they turn a blind eye. Uh-oh, something's wrong, it's nothing that you could ignore. It's the one thing that's bringing us down. It's like a hair in the eye. A hair in the eye. A hair in the eye. A hair in the eye.

voilà, là c'était une vraie nouveauté, c'est la première fois qu'on les écoutait dans cette émission. Il s'appelle The Foreign Resort et le morceau a été intitulé Buried. Petit correctif, je pense que je vous ai dit en terminant mon intervention sur la BD, je vous ai parlé de Benoît Duhamel. Non, c'est bien Bruno Duhamel et pas Benoît Duhamel, l'auteur de cette BD. Hashtag nouveau contact. Voilà, cette émission touche tout doucement à sa fin. J'étais très heureux de vous retrouver pour ce 415e épisode de Planète Indie. Je vous retrouve en 2020, le 4 janvier, pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vais recharger un peu les batteries et puis revenir en pleine forme, je l'espère. D'ici là, eh bien, passez une bonne fin de journée, un bon week-end. De bonnes fêtes, je vous le redis encore une fois, et à très bientôt. Le podcast sera disponible sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Et puis, rejoignez-nous aussi sur Facebook, ça nous fera bien plaisir. On se quitte avec un extrait de nouvel album Live in Poznan du groupe canadien Mystery. Et je vous propose d'écouter le morceau Pride. Voilà, à très bientôt. Hi, my name is Monica Jalili and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Elijah Tucker and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Andy Palmer and you're listening to Planet Indie. Tries to hold on to his pride.